Thank you. et les piottes dans un décor. Mondain, les piottes, les pyrénées qui mangeaient dans le pré du lac des songes et se sont oubliés un reflet de Kuala Lumpur.